Bonjour monsieur, je voudrais réserver une chambre pour deux personnes, pour deux nuits, du 7 au 9 juillet. Du 7 au 9, un instant s'il vous plaît. Oui, nous avons une chambre libre avec salle de bain. Elle donne sur la rue, pas sur le jardin. Ce n'est pas grave, beaucoup d'hôtels sont complets dans votre ville. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de monde. Vous voyez, c'est la haute saison. Oui, je comprends. Quel est le prix de la chambre ? Elle est à 90 euros, monsieur, petit déjeuner compris. D'accord. Vous êtes monsieur ? Gauthier. G-A-U-T-H-I-E-R. Vous avez un numéro de carte bleue ? Oui, c'est le